Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Fin septembre, le groupe Airbus a annoncé se fixer comme ambition d'être le premier constructeur aéronautique à atteindre en 2035 l'objectif zéro émission. Pour cela, Airbus a dévoilé trois concepts d'avions propulsés à l'hydrogène. Cet objectif peut-il être atteint ? La maîtrise de la filière énergétique hydrogène est-elle suffisamment maîtrisée pour mettre en circulation d'ici 15 ans des véhicules autonomes, rentables, sûrs et propres ? Ce défi est en tout cas l'occasion de se poser la question et de faire le tour des enjeux du développement de cette filière, souvent présentée comme la meilleure alternative écologique aux énergies carbonées, mais est-ce déjà le cas ? Filière hydrogène, ça gaz, c'est le programme tout propre qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à notre maîtrise de l'hydrogène comme énergie de substitution, aux défis déjà relevés et à ceux qui restent à lever, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Joubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, directeur de la Fédération de recherche d'hydrogène du CNRS. Et nous sommes en ligne avec Geoffrey Tourneur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en thèse CIFRE au sein du laboratoire Institut des sciences chimiques de Rennes avec l'entreprise H2X Ecosystems. Mais pour commencer, eh bien, on fait comme chaque jour le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou dans le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec ce dont vous parlons depuis quelques jours maintenant, cette mission, cette fameuse mission Osiris-Rex, puisque cette nuit, la sonde a réussi à vraisemblablement prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu. Rex has descended below the 5-meter mark. The hazard map is go for tag. Contact expected in 50 seconds. We're going in. We're going in. Touchdown declared. Bon, on entend à la joie des équipes de la NASA qui travaillent sur cette mission depuis 16 ans. À plus de 321 millions de kilomètres de la Terre, la sonde hier s'est approchée de l'astéroïde et a fait une manœuvre de touch and go. C'est-à-dire qu'elle a étendu son bras robotisé de 3 mètres, le TACSAM, et a soufflé de l'azote sous forme gazeuse pour recueillir de la poussière de Bennu. L'objectif est d'en collecter au moins 60 grammes pour les faire revenir sur Terre d'ici 2023. Alors, pour l'étude des astéroïdes, cette mission est cruciale. Ces échantillons vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire du système solaire, mais aussi de mieux anticiper les risques de collision avec des astéroïdes géocroiseurs. Alors, sans vouloir être trouble-fête, l'opération s'est déroulée correctement, mais on ne connaît pas encore la quantité de matière qui a été prélevée et stockée. Léa Gritton est docteur en astrophysique à l'IRAP de Toulouse et membre du comité de rédaction de la revue Astronomie. Qu'on peut prélever entre 60 grammes et 2 kilos de matière. Donc 60 grammes, c'est le minimum. Pour mesurer la masse qui a été prélevée, la NASA va procéder en trois étapes. La première, c'est de regarder des images de la surface de l'astéroïde avant et après l'opération, pour voir si l'opération a effectivement pu modifier la surface de l'astéroïde. Ensuite, elle va effectuer des images de la partie qui contient la matière prélevée pour essayer de voir s'il y a de la poussière dessus et donc si l'objet a bien touché la surface de l'astéroïde. Et ensuite, la dernière façon de mesurer la masse, c'est en mesurant l'inertie. En fait, donc comme l'objet qui contient les échantillons est situé au bout d'un bras, En fait, on va pouvoir faire rotationner, enfin tourner ce bras autour d'un axe, et ensuite ça nous permet de, enfin ça permet avec des calculs de savoir la masse qui est contenue au bout du bras. C'est un peu l'idée de si vous tenez un objet un peu lourd au bout d'une ficelle, par exemple, et que vous allez tourner l'objet autour de vous, le fait que ça tourne, vous avez une idée instinctivement de la masse qui est au bout. Voilà, donc c'est comme ces trois méthodes qui vont permettre de savoir la masse exacte qui a été prélevée. Le 30 octobre, on saura si la NASA a bien prélevé 60 grammes de roche. Et si ce n'est pas le cas, la sonde OSIRIS-REx devra effectuer un nouveau prélèvement en janvier. Puis elle commencera son voyage vers la Terre à partir de mars 2021. On passe au bref. L'endométriose va être enfin, pourrait-on dire, enseignée en école de médecine. Et cette maladie gynécologique très douloureuse, parfois handicapante, reste la première cause d'infertilité et elle touche une femme sur 10. Elle est souvent diagnostiquée tardivement parce qu'elle est mal connue du grand public et surtout des docteurs. L'endométriose est donc enfin intégrée dans la formation des jeunes médecins. Dès cette année, elle entre dans les programmes des étudiants en médecine de second cycle. Pourtant découverte en 1860, cette maladie chronique commence enfin à être prise en considération. Selon une prépublication sur le site Archive, peut-être qu'il n'y a finalement aucune trace de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et en septembre, l'annonce de la détection de ce gaz a provoqué l'enthousiasme de toute la communauté scientifique. Cela pourrait être, entre autres, un biomarqueur, un signe de vie. Une équipe américaine a examiné les données collectées en 2015 aux observatoires de Mauna Kea à Hawaï. Les observations qu'ils ont examinées ont été prises dans des longueurs d'onde infrarouges. Ils n'ont trouvé aucune trace de phosphine. Alors peut-être qu'il faut sonder plus profondément l'atmosphère de la planète. Ces lectures infrarouges n'ont été prises qu'au sommet des nuages de Vénus. Peut-être aussi que l'abondance de phosphine varie au fil du temps. Ce que semblent dire ces informations contradictoires, c'est qu'il faudra de très nombreuses observations de Vénus ou peut-être envoyer une sonde pour prendre des mesures de plus près. Et enfin, selon des astronomes de Harvard, 3% des satellites de la constellation Starlink sont déjà en panne. Et pour sa méga constellation Starlink, Elon Musk a déjà envoyé plus de 700 satellites. Selon les astronomes qui ont récolté les données de mouvement des satellites, 3% sont déjà tombés en panne. Alors en soi, 3% ce n'est pas un taux d'échec terrible, mais le problème c'est que la firme prévoit d'envoyer 42 000 satellites. Et avec ce taux, pour l'ensemble de la flotte de SpaceX, cela pourrait entraîner des milliers de déchets spatiaux supplémentaires. Entre la constellation de OneWeb, qui prévoit 48 000 satellites, et celle prévue par Amazon pour sa flotte Kuiper, de plus de 3200 engins, le problème de la pollution spatiale risque de devenir extrême et de provoquer une chaîne de collisions incontrôlable. Et merci Natacha, demain pour le prochain journal des sciences. Imaginez la possibilité de produire de l'énergie à partir de l'eau. Adieu les énergies fossiles, nous avons là une énergie a priori inépuisable, écologique, à portée de tous. C'est un peu ce vieux rêve que promet la filière hydrogène, ou d'hydrogène si on veut être plus précis. Extraire H2 et O2 via une électrolyse, réutiliser H2 pour produire une oxydation via O2 et hop, on récupère de l'eau. Bref, pas de rejet, pas de déchets, c'est un peu le rêve de l'énergie du futur. Mais voilà, comme toujours, rien n'est aussi simple et il y a encore pas mal d'obstacles avant d'arriver à cette filière d'hydrogène dite verte, par opposition à l'hydrogène dit gris, aujourd'hui obtenu via le méthane issu des raffineries. Toujours est-il que, dans la transformation du secteur énergétique en cours, de nombreuses entreprises, notamment dans les transports, lorgnent vers cette filière comme une solution pérenne pour remplacer les énergies fossiles. C'est le cas d'Airbus qui, je le disais, a donc présenté fin septembre 3 modèles d'aéronefs qui fonctionneraient au dihydrogène et qui pourraient être opérationnels dès 2035, soit quasiment après-demain. Cet intérêt pour le dihydrogène, vous allez le voir, il ne date pas d'hier. C'est ce que montre en tout cas notre archive du jour, retour en 1975. On connaissait depuis longtemps déjà des applications importantes de l'hydrogène, mais depuis quelques années, on l'ajoute à chaque instant et il semble aujourd'hui que rien ou presque ne lui échappe. Ses usages comme réducteur en sidérurgie ou en chimie sont bien connus et dès aujourd'hui, 20 millions de tonnes sont consommées dans le monde. Ses partisans ne voient aucun problème dans son utilisation pour l'automobile à la place du pétrole. Mais oui. Déjà en 1927, Zeppelin avait des moteurs à combustion interne brûlant de l'hydrogène. Il y a bien quelques questions qui subsistent pour le stockage à bord d'une voiture automobile. Mais pour les optimistes, les hydrures offriront vite une bonne solution. Sur les avions, même optimisme, car l'hydrogène liquide est 2,5 fois plus léger que le kérosène à égalité de puissance. Il est vrai qu'il tient 3 fois plus de place. Enfin, des projets très soignés d'un avion supersonique, à l'heure actuelle, montrent que l'avenir de l'hydrogène dans ce domaine, pour ses défenseurs, ne fait aucun doute. Dans le secteur domestique, ces propriétés apparaissent très étonnantes. Un groupe de sociétés gazières aux États-Unis a financé l'étude d'une maison toute hydrogène. L'éclairage y sera réalisé par l'action de petites quantités d'hydrogène venant en contact avec du phosphore en présence d'oxygène, ou une vive luminescence à basse température sans flamme. Le chauffage sera obtenu par diffusion d'hydrogène à travers des panneaux décoratifs de plastique poreux imprégnés d'un catalyseur. Des plaques de chauffage sans flamme pour la cuisine seront faites de métaux de céramique. L'électricité nécessaire aux appareils ménagers s'obtiendra à partir de l'hydrogène dans des piles à combustible ou dans des grands centres à partir de turbines à gaz. On croit rêver devant une telle perfection. En tout cas, à la conférence de Miami, la grande conférence sur l'hydrogène qui a eu lieu au mois de mars de cette année, l'enthousiasme pour l'hydrogène, appelé inépuisable combustible sans pollution pour l'ère post-fossile, était général. Voilà, Robert Gibrin, ingénieur en chef des mines. Nous sommes le 15 janvier 1975 dans l'émission La Science en Marche sur France Culture. Voilà, c'est une sorte d'utopie énergétique qu'on vient d'entendre là, Olivier Joubert, il y a 45 ans. Ouais, j'avais 10 ans. Non, je pense, moi je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit tout de suite. Depuis 1975, il n'y a pas eu, je dirais, de grands changements par rapport à ce qui a été dit. Je pourrais redire exactement la même chose. Mais vous savez que à peu près une centaine d'années avant, Jules Verne disait à peu près la même chose dans ses romans, disant que l'eau, ça pourrait être l'énergie de l'avenir. Donc déjà, il anticipait sur l'hydrogène. Néanmoins, cette idée ou ce fantasme de l'énergie de l'hydrogène disponible partout dans la maison, dans les plaques de cuisson et chauffage, dans les murs, on n'y est quand même pas 45 ans après. Non. Un peu au Japon, il y a à peu près 400 000 systèmes dits micro-systèmes qui produisent à la fois de l'eau chaude et de l'énergie électrique qui ont été installés dans des appartements et des maisons de Japonais. Et ça fonctionne. Alors, à base d'hydrogène qui a été utilisé à partir, disons, transformé à partir de l'hydrocarbures. D'hydrocarbures encore, on y reviendra. Oui, on y reviendra dessus. Alors, juste une petite précision par rapport à dit hydrogène. Je pense que vous êtes à peu près, je ne vais pas dire le seul à utiliser ce mot-là maintenant, mais vous avez raison, la molécule H2, normalement on devrait l'appeler dihydrogène, comme on devrait aussi appeler le dioxygène O2. Bien sûr, mais bon. Et on parle de l'oxygène, mais on reviendra, on fera un peu de chimie tout à l'heure, on révisera nos cours de chimie dans quelques instants. J'aimerais votre réaction, Geoffrey Tourneur, vous qui n'étiez certainement pas né en 1975, comment vous entendez cette archive aujourd'hui ? Eh bien... Ce que je dirais d'abord, c'est que vous avez parlé de vieux rêves, et je trouve que c'est vraiment un terme adapté à l'hydrogène, puisque les notions d'électrolyse de l'eau depuis la combustible étaient connues avant même le moteur 4 temps ou le moteur diesel, et c'est parce qu'on ne les maîtrisait pas assez qu'elles n'ont pas été développées par rapport à d'autres modes de transport, justement. Donc quand on parle de vieux rêves, ça remonte même au 19e siècle, finalement. Mmh. Et... Oui, pour rebondir sur l'archive ou sur ce fantasme de l'hydrogène partout, on en parlait en 1975, aujourd'hui on dit peut-être, ou en tout cas Airbus, et on y reviendra, des avions à hydrogène à l'horizon 2035. On sait qu'il y a déjà quelques véhicules qui circulent en Asie, au Japon ou en Corée notamment. Est-ce que, pour le coup, on peut vraiment se reposer aujourd'hui sur ce vieux rêve que vous venez de décrire, c'est-à-dire de l'hydrogène, notamment de l'électrolyse, puisque c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire du dihydrogène à partir de l'eau comme carburant majoritaire, écologique, inépuisable dans les années, dans les dizaines d'années, dans les décennies à venir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'on y est. Ça s'est, oui, en effet, bien relancé dans les années 70 à cause du domaine spatial. Et on a de plus en plus compris ces phénomènes. Aujourd'hui, on arrive à les comprendre extrêmement bien. Ce qui est maintenant limitant, c'est le coût et les matériaux. Mais les travaux sont bien avancés à ce sujet et les efficacités, on dit en général du puits à la roue, sont bien meilleures aujourd'hui, sont améliorées encore constamment. Des pays sont déjà leaders, justement, comme le disait Olivier, le Japon, des pays asiatiques principalement, mais aujourd'hui la France a décidé de rentrer dans ce club. Via les annonces récentes de financement qui ont été faites par le gouvernement. La France, et pas seulement, c'est la France, je crois, alors je parle sous votre contrôle, a dit investir 7 milliards d'euros, l'Allemagne veut investir 9 milliards, en tout cas, tout le monde a l'air d'un seul coup de s'intéresser vraiment à cette filière et de commencer à mettre la main au portefeuille, Olivier Joubert. Oui, on a commencé par l'Europe. La France vient d'annoncer effectivement un plan ambitieux, avec aussi de l'argent pour la recherche, parce que moi, je suis chercheur avant tout, et donc on va normalement avoir 65 millions d'euros sur plusieurs années pour effectuer des recherches dédiées à l'hydrogène et participer avec les industriels, parce que je pense que le moteur en France, c'est quand même les industriels qui croient, et je pense que le gouvernement a entendu ces industriels et a mis de l'argent dessus. Il y a plusieurs trains, vous savez, il y a le train des batteries. Je pense qu'on a peut-être loupé le train des batteries, comme on a loupé un peu le train du photovoltaïque. Et là, le train de l'hydrogène passe et on monte dedans. Et je crois que les industriels sont dedans et nous, les chercheurs, on est aussi partants pour avancer avec les industriels pour, je ne vais pas dire avoir la révolution, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites dans le cadre d'hydrogène, mais amener des progrès qui vont être importants, voire des ruptures. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de la filière dite hydrogène, des possibilités, du développement, de la technologie autour de cette filière qui mettrait à disposition de plusieurs secteurs, pas uniquement dans le transport, mais aussi pour l'industrie, pour l'énergie, pour l'électricité, eh bien un carburant a priori totalement écologique, assez inépuisable si on parle d'hydrogène à partir de l'eau, non polluant. C'est ce que nous allons évoquer tout au long de cette heure avec Olivier Joubert et Geoffrey Tourneur. Alors je propose, évidemment, comme toujours, de revenir par, de commencer par réviser quelques notions de chimie. On disait, hein, Olivier Joubert, qu'on parle de dihydrogène. Pourquoi d'ailleurs on utilise le dihydrogène et pas l'hydrogène tout seul? L'élément est hydrogène, hein, c'est l'élément le plus léger. La molécule est H2, hein, c'est pas une molécule que l'on trouve dans l'état naturel, mais on en trouve, il y a quelques sources d'hydrogène naturel et de plus en plus, hein. On va dans le Caucase en Russie ou dans d'autres endroits. Mais l'hydrogène est à ce moment-là, le dihydrogène est à ce moment-là très mélangé. Donc, c'est quoi les sources naturelles de dihydrogène? Les sources naturelles, c'est des cavités où l'hydrogène ressort. En général, il y a de l'eau et on voit des bulles d'hydrogène qui ressortent, alors mélangées avec d'autres gaz. Hein. Mm-hmm. L'hydrogène est avec des faibles pourcentages, mais il y a il y a pas mal d'idées pour récupérer l'hydrogène naturel. Mm-hmm. Mais à côté de cela, en fait, l'élément hydrogène H est partout. Partout, on en a beaucoup dans notre corps. Et vous disiez tout à l'heure de l'eau. Un kilogramme d'eau, c'est à peu près 110 grammes d'hydrogène qui pourrait être extrait de cette molécule. Et c'est ce qu'on fait en général. L'hydrogène, c'est la molécule la plus courante de l'univers. C'est tout à fait cela. Mais le dihydrogène n'existant pas, je dirais, à l'état naturel, on va le synthétiser à partir de nombreuses molécules où l'hydrogène est présent. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que l'hydrogène est présent, mais lié très fortement à d'autres atomes. Alors, ça peut être l'oxygène dans la molécule d'eau ou bien le carbone dans la molécule de méthane. CH4. CH4, en effet. H2O pour l'eau, on révise. On révise bien, on repart depuis les bases. Donc. Et donc, ou bien le méthanol ou bien d'autres molécules comme ça qui contiennent beaucoup d'hydrogène. Et à ce moment-là, il faut apporter de l'énergie pour rompre la liaison correspondante, carbone-hydrogène, oxygène-hydrogène, et cette énergie doit être très importante. Mmh. Alors soit on l'apporte sous forme de chaleur, alors c'est ce qui se passe lorsqu'on va faire des réactions pour transformer l'hydrocarbure CH4 en hydrogène à partir de ce qu'on appelle le vaporeformage, on mélange avec de l'eau, on porte en température, autrement dit, pour faire simple. Et puis, on peut aussi apporter de l'énergie sous forme électrique. Hein. C'est l'électrolyse de l'eau, notamment. Mais il y a d'autres types d'électrolyse qui permettent de produire aussi de l'hydrogène. Mmh. Donc, on dit plutôt très souvent hydrogène pour la molécule de dihydrogène. On garde dihydrogène lorsqu'on est avec les étudiants pour leur parler, pour que ce soit vraiment, pour être vraiment précis. Ou quand on est sur France Culture. Geoffrey Tourneur, la question vraiment de chimie, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de l'hydrogène simple? Pourquoi on utilise du dihydrogène? Qu'est-ce qu'on cherche? On a besoin de ce dihydrogène. Pourquoi ce dihydrogène produit de l'énergie? Et en fait, l'énergie dans le dihydrogène, elle est contenue dans les liaisons chimiques. Ce qui, le stockage général qui est fait dans les liaisons chimiques. Comme dans le pétrole, finalement, vous avez des enchaînements de carbone, et c'est en cassant ces enchaînements via la combustion que vous libérez l'énergie, et par ailleurs le CO2. Dans l'hydrogène, c'est la même chose, sauf que c'est dans cette liaison entre ces deux hydrogènes que vous stockez l'énergie, et vous la stockez à très haute densité. En termes de masse, si on parle en termes de masse, si on prend le mégajoule, l'unité d'énergie, dans un kilogramme de pétrole, vous pouvez stocker 46 mégajoules d'énergie, dont vous n'exploitez que 30%, puisque le moteur thermique a un rendement de seulement 30%, vous en exploitez 15 mégajoules finalement à peu près. Mais dans l'hydrogène, vous en stockez 123, c'est-à-dire plus de quasiment trois fois plus que dans le pétrole. Alors certes, c'est 123, c'est théorique, vous en exploitez à peu près 70% sur les rendements des piles à combustible. Donc, ce qui reste tout de même beaucoup plus que les 30% du rendement du moteur thermique. Ce qui reste évidemment beaucoup plus, et si vous comparez à d'autres systèmes de stockage comme les batteries, notamment lithium-ion, vous stockez dedans au maximum 1 mégajoule dans 1 kg. Donc on est à 120 fois plus que sur une batterie. C'est là vraiment qu'est la révolution de l'hydrogène en fait. L'énergie est stockée dans cette liaison, c'est en la cassant qu'on la libère. Alors il y a deux problèmes, parce qu'évidemment il n'y a pas que des solutions, sinon on fonctionnerait déjà tout ça au dihydrogène. Déjà d'une part, le problème peut-être principal, c'est que le dihydrogène, comme vient de le dire Olivier Joubert, contrairement aux hydrocarbures ou aux énergies fossiles dont on dispose, qu'il suffit de raffiner, mais qui sont juste là à notre disposition, le dihydrogène, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le créer pour pouvoir ensuite l'utiliser, Geoffrey Tourneur. Tout à fait. Exactement comme le pétrole, c'est aussi un vecteur, sauf qu'on n'a pas à le fabriquer, il est là naturellement. Voilà, c'est ça. On se sert, en fait, on le ramasse et on l'exploite. Ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène, il faut le fabriquer par électrolyse, donc il faut consommer de l'énergie électrique pour le produire. Et là, le seul moyen de cette énergie soit verte, c'est que cette énergie soit elle aussi verte, donc issue des sources durables. Oui, là, parce que tout étant entendu que là, on parle de l'électrolyse. Si on veut utiliser de l'énergie électrique pour produire du dihydrogène et qu'on produit cette énergie électrique à partir de centrales à charbon, évidemment, l'intérêt de l'énergie verte se dissout un peu. Voilà, tout à fait. Là, donc, on a les énergies, les sources d'énergie renouvelables qu'on connaît tous, comme l'éolien, le solaire. On a aussi le nucléaire, ça fait un peu plus débat. Alors, en France, on a l'air de reconnaître un peu plus vert qu'en Allemagne. En effet, c'est décarboné. Le problème, c'est qu'on émet quand même des déchets. Et peut-on vraiment reconnaître vert? Donc là, il y a peut-être un débat là-dessus. Qui n'est pas celui qu'on aura aujourd'hui, mais qui est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois autour de ce micro. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on produit du dihydrogène? Parce qu'aujourd'hui, on en produit, on en discutera, on parlera des applications dans la deuxième partie de cette émission. Olivier Joubert, on produit 94% justement par vaporeformage. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche, ce vaporeformage à partir du méthane, et qu'est-ce que ça crée justement? En fait, c'est un système qui fonctionne en deux étapes. On produit, donc on mélange du méthane CH4 avec une molécule d'eau, d'accord, qu'on porte en température, aux alentours de 700-800 degrés. Et donc il y a des étapes qui produisent un mélange CO-H2 dans un premier temps, et après on transporte ça dans un deuxième, on va dire, réservoir. Et là, il y a encore une deuxième réaction qui transforme le monoxyde de carbone en CO2. Donc au final, on obtient du dihydrogène avec du CO2. Après, on sépare, on purifie pour obtenir le dihydrogène. Et donc, on rejette du CO2. On estime à peu près à 1 kg d'hydrogène produit 13 kg de CO2. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, au final, d'une production d'une voiture qui consommerait, au lieu d'avoir du méthane, on va dire, elle produirait exactement la même quantité, avec les rendements actuels, pour une voiture. Voilà, donc on n'est pas du tout dans les attentes d'une énergie décarbonée comme on pourrait le faire ensuite avec de l'électrolyse. La différence, c'est que si on prend le système voiture, mobile, le CO2 de la voiture, on ne peut pas le stocker, alors qu'on peut capturer le CO2 à l'issue de cette étape de synthèse de l'hydrogène. On parle à ce moment-là d'hydrogène bleu. Bon, il y a déjà des tests qui sont réalisés et je pense que c'est une façon aussi de produire de l'hydrogène avec un captage. Alors ça, c'est pour le vaporeformage. C'est une technique qu'on connaît bien, puisque je vous dis 94% en France, c'est ça À peu près 95%, ouais. Avec un taux, un prix de l'hydrogène qui sort aux alentours de 1 ou 2 euros du kilogramme. Parce qu'on parle de kilogramme d'hydrogène. Et alors, 1 ou 2 euros au kilogramme, pour qu'on se rende compte, pour avoir une échelle de valeur, c'est cher, c'est pas cher par rapport aux hydrocarbures, par rapport aux autres formes d'énergie? Non, c'est pas cher. Si on regarde à peu près au niveau de la voiture, une voiture, c'est 1 kilogramme d'hydrogène pour 100 kilomètres. Donc, à 2 euros ou 3 euros du 100 kilomètres, c'est rien par rapport aux voitures thermiques actuelles. Bien sûr. Alors, Geoffrey Tourneur, je vais me retourner vers vous pour l'autre méthode de production, qui est l'électrolyse. L'électrolyse, donc, pour le coup, expliquez-nous déjà comment ça marche. Eh bien, vous allez appliquer un courant électrique dans une cellule électrochimique qui contient deux électrodes. Alors, une qu'on va qualifier d'électrode positive, une négative, une cathode, une anode. À la première, a lieu ce qu'on appelle la réaction de réduction de l'eau, c'est-à-dire que vous transformez l'eau, les protons, en hydrogène. Et à la seconde, vous transformez l'eau en oxygène. Ça, c'est l'oxydation, donc c'est l'anode. Ça marche toujours avec deux électrodes. Et en fait, cette réaction, ce n'est simplement que le rembobinage, si vous voulez, de ce qui se passe dans la pile à combustible avec la production. C'est-à-dire que la pile à combustible va produire de l'électricité à un certain potentiel, certain voltage. Et lorsque vous appliquez ce voltage à votre bain électrolytique, à queue, vous faites l'inverse, vous rembobinez le système et vous séparez l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc c'est vraiment simplement un rembobinage, donc c'est une, pour ça qu'on appelle ça une électrolyse, de la même manière qu'on va recharger une batterie, sauf que là, on reprend une eau nouvelle finalement. Et cette eau, on peut prendre des eaux différentes, alors ça peut être de l'eau de mer, de l'eau purifiée, même des effluents, on peut utiliser des eaux très différentes pour faire cette électrolyse. Mmh. Donc si je comprends bien, on a de l'eau au départ et on a de l'eau à la fin. Voilà, c'est un cycle vertueux de l'eau à l'eau finalement, l'hydrogène, qui ne rejette que de l'eau. Mais alors du coup, quels sont les obstacles aujourd'hui pour cette électrolyse? Parce qu'on imagine bien que compte tenu du cycle vertueux, donc vous l'avez déjà noté, hein, ça veut dire qu'il faut injecter de l'électricité, de l'énergie dans le système, donc il faut d'une part que cette énergie-là soit propre, mais quels sont les autres obstacles pour le moment à développer largement en tout cas cette électrolyse de l'eau? Alors il y a un obstacle majeur qui est les matériaux d'électrode. Les électrolyseurs utilisent jusque-là, comme pas mal de piles à combustible, des métaux qui sont qualifiés de rares et nobles, comme le platine ou le palladium. Donc ce sont les plus efficaces en termes de corrosion, en termes de courant obtenu, c'est-à-dire que pour un potentiel qu'on applique à l'électrolyseur, on mesure le courant qu'on obtient, c'est ce courant qui qualifie la vitesse à laquelle on produit de l'hydrogène. Et ces matériaux sont très rares, très efficace, mais très rare et très coûteux. Pour du platine, on était récemment autour de 25 000 euros le kilo. Donc on peut pas utiliser ce matériau de manière générale, de toute manière, il n'y en a pas assez. Donc il faut trouver autre chose. Donc on a des matériaux qui sont aujourd'hui un peu moins efficaces, mais qui prennent un bon compromis. On pense par exemple des matériaux à base de nickel. Donc moi, c'est entre autres le cadre de ce que je fais. Et donc là, on a largement dépassé le stade de la preuve de concept. Maintenant, on essaie d'aller vers le prototype et puis vers le système industriel à ce niveau-là. Le nickel étant évidemment beaucoup moins cher et beaucoup plus abondant sur la planète. Olivier Joubert, vous vouliez réagir? Oui, en fait, ce que dit Geoffrey, pour compléter, il y a au moins trois types d'électrolyseurs, production d'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Il y a l'électrolyseur alcalin, il y a l'électrolyseur de type PEM et l'électrolyseur de type haute température. Et je crois que c'est cette dernière filière qui a vraiment beaucoup d'avantages. Pourquoi la haute température? Et c'est quelque chose que le gouvernement français veut aussi accélérer, et on est vraiment au niveau de la recherche là. Pourquoi la haute température? C'est parce qu'au lieu d'apporter uniquement de l'électricité, donc de l'énergie sous forme d'électricité, on apporte aussi de la chaleur. Et cette chaleur, elle peut être gratuite, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Et donc ce qui fait qu'on va diminuer la quantité d'électricité nécessaire. La chaleur gratuite, c'est-à-dire de la chaleur récupérée d'industrie. Oui, par exemple la raffinerie, voilà, ou la sidérurgie, ou la cimenterie. Hein. Et donc cette chaleur-là, elle peut aussi apporter cette énergie qui peut être complétée par l'électrolyse. Donc on aurait au final un coût d'hydrogène qui serait proche, très proche de celui obtenu par vaporeformage. Mmh. Alors juste, il y a aussi, je crois, Geoffrey Tourneur, un petit souci lié au rendement de l'électrolyse. Oui, alors rapidement, justement, je voudrais bien réagir sur ce. Bien sûr, je vous en prie. Oui, justement, sur les usages, En effet, pour les électrolyseurs haute température, sont très intéressants pour ce qui est usage stationnaire de chauffage des bâtiments. En revanche, oui, sur les électrolyseurs PEM et alcalins, dans des cadres pour la mobilité, on cherche à avoir le moins de masse embarquée dans les véhicules, parce que plus on met de masse dans le véhicule, plus finalement il va falloir d'énergie pour le déplacer. Donc plus cette énergie ne s'échappe pas en chaleur, mais en énergie mécanique, plus on la convertit finalement en électricité, plus c'est intéressant quand même pour les mobilités. Sinon, l'autre frein, oui, en termes de rendement, comme vous disiez, aujourd'hui, comparativement aux systèmes de batterie qui sont déjà des rendements 90% en charge, l'hydrogène est à 70%. Alors, c'est pas encore optimisé, ça devrait encore largement s'améliorer avec les financements de recherche qui sont arrivés assez rapidement. D'ailleurs, il existe des objectifs là-dessus qui sont fixés par l'Union européenne régulièrement. Et donc c'est aujourd'hui encore un des obstacles, puisque cette électricité, aujourd'hui on a un système de mobilité, système qui n'est fixé sur aucune énergie électrique, puisque l'énergie électrique elle sert uniquement aux domestiques et à l'industriel. Là demain il va falloir utiliser un système électrique pour les mobilités, donc il va falloir produire de l'électricité supplémentaire, et forcément meilleur sera le rendement d'électrolyse, moins on en aura à en produire et moins d'installations on aura à créer. C'est intéressant donc, parce que vous évoquiez évidemment les piles à combustible, on va y revenir, vous parliez de la haute température, mais on peut aussi penser et envisager, concevoir des piles à combustible à basse température qui constituent pour le coup, comme vous le disiez Geoffrey Tourneur, l'un des enjeux phares du développement, notamment dans les transports. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui roulez d'habitude au fioul lourd, vous avez rencontré une chercheuse qui travaille justement au développement de ces types de piles à combustible. C'est de la calomnie, je n'ai même pas le permis de conduire. Oui, j'ai rencontré Christelle Laberti-Robert qui est professeure à Sorbonne Université et chercheuse au sein du laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Avec son équipe, elle cherche à mettre au point des piles à combustible basse température. Elle nous explique le principe de ces piles et des travaux de chimie de matériaux qu'elle réalise avec ses collègues pour les développer. Elle nous détaille aussi dans quel contexte ces piles pourraient être utilisées, mais aussi les difficultés qui persistent pour leur mise au point. Une pile à combustible, c'est un convertisseur, c'est-à-dire qu'à partir d'hydrogène, vous allez fabriquer de l'électricité. Il existe différents types de piles à combustible, et en fonction de la nature d'un élément constitutif de la pile, elles vont fonctionner à différentes températures. Donc cet élément, c'est un élément important, qui est l'électrolyte, qui est placé entre deux électrodes, qui vont faire, elles, les réactions électrochimiques, donc soit l'oxydation de l'hydrogène, soit la réduction de l'oxygène. Donc nous, au laboratoire, on va s'intéresser donc à ces systèmes basse température. Et dans ces systèmes-là, l'électrolyte est un électrolyte polymère. Cet électrolyte polymère, il va conduire donc les protons, ce qui va être donc l'ion qui va faire la navette entre les deux électrodes. Et du fait que c'est un polymère, donc on va travailler à basse température, on aura besoin donc de les humidifier pour que le transport du proton se fasse le mieux possible. Donc en fait, il va y avoir énormément de travail au niveau de la chimie. Donc le matériau de référence aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le nafion. Et ce nafion, donc, il a une particularité au niveau de son organisation lorsqu'on va l'hydrater, c'est-à-dire que vous allez avoir des parties hydrophiles, hydrophobes qui vont s'auto-organiser et qui vont faire que ce polymère va avoir des bonnes propriétés de conduction du proton. Alors on est ici dans votre laboratoire, il n'y a pas d'expérience directement en lien, en cours avec le développement de ces piles-là, mais j'aimerais comprendre un petit peu de quel matériel vous disposez pour développer et tester ces piles que vous cherchez à développer. Alors nous ici au laboratoire, on est des chimistes des matériaux, donc on va s'intéresser donc à coupler donc la chimie avec les procédés pour mettre en forme ces matériaux et ensuite les intégrer dans des piles à combustible. Donc on va élaborer ces matériaux, on va les tester. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à mesurer la conductivité protonique en fonction de la température et du taux d'humidité. Et on va aussi les inclure dans des piles à combustible afin de mesurer les performances. Donc en fait, on fait toute la chaîne, c'est-à-dire de la synthèse à la caractérisation et aux mesures des performances électrochimiques. Et ça, c'est un point important parce que c'est pas parce qu'un matériau va avoir des propriétés, par exemple, de conduction intéressantes, qu'il va bien fonctionner dans une pile. Donc, pour avoir la réponse finale, il faut vraiment l'intégration dans le dispositif final. Alors, même si on ne peut pas avoir d'expérience en cours, quand on pense à une pile, on pense banalement à la pile LR6 qu'on met, par exemple, dans cet enregistreur que je tiens dans les mains. À quoi ressemble une pile à combustible basse température? Quelle taille ça fait? Et comment ça s'insère dans un dispositif, par exemple, une machine, une voiture ou autre? Alors, ce sont des dispositifs qui sont plutôt planaires. Donc, les tailles, vous avez différentes tailles, évidemment, en fonction de là où vous voulez les intégrer. Donc, c'est une alternance de couches, si je puis dire. Donc, vous avez donc une couche qui va permettre la diffusion des gaz, une couche qui va se réaliser les réactions électrochimiques, et puis l'électrolyte. Et puis, de l'autre côté, vous aurez exactement la même chose. Donc, c'est un dispositif qui est assez compact. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, il va y avoir énormément de challenges au niveau de la diffusion des gaz, et aussi pour récupérer les électrons et l'empilement en fait, de ces différents systèmes pour avoir les densités d'énergie qui vont correspondre à l'application. En parlant de densité d'énergie et d'application, où et à quelle application on pourrait penser pour ce type de pile, dans quel type de dispositif? Alors aujourd'hui, ce type de dispositif va prendre, je pense, dans le futur, un peu plus d'importance pour des applications dans le domaine du transport, mais pas du véhicule de monsieur tout le monde, je dirais, parce que là, les batteries sont compétitives, en tout cas pour des distances qui feront de 400 à 500 km. Les batteries sont aujourd'hui une solution prometteuse, qui marche bien, qui fonctionne. Les piles à combustible, ça sera plutôt pour les transports, le camion, donc vraiment pour de la longue distance. Donc là, les piles à combustible trouveront leur intérêt. Une difficulté qui persiste, c'est le coût de ces systèmes à cause des matériaux qui sont à l'intérieur et aussi à cause de l'infrastructure qui va être liée à l'hydrogène, donc à son stockage, mais aussi à l'accès à des stations pour remplir, pour faire votre plein d'hydrogène. Donc ça, ce sont quand même des verrous technologiques qu'il va falloir lever. Vous parliez du coût des matériaux impliqués dans le développement de ces piles. Quels sont ces matériaux en question ? Alors, il y a la membrane, dont je viens de vous parler. Il y a aussi les catalyseurs qui sont à base de platine, qui peuvent être un frein aussi à la technologie. Donc, ce sont principalement ces deux, en tout cas pour le convertisseur. Comment ce sur quoi vous travaillez peut contribuer au bon développement de la filière hydrogène à venir ? Alors, au laboratoire, on a des activités donc sur les piles à combustible. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc on s'intéresse à essayer de développer des systèmes qui soient performants à plus haute température, sous des taux d'humidité plus faibles. On essaye aussi d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion, de penser à développer des matériaux un peu plus intelligents qui vont conférer à des piles donc une durée de vie plus importante, ce qui aura aussi un impact sur le CO2 parce que du coup, vous les changerez moins. Donc du coup, vous les fabriquerez moins, etc., etc. On s'intéresse aussi à l'électrocatalyse. Donc là, c'est plutôt sur la partie fabrication de l'hydrogène. Et on s'intéresse au développement ici aussi de matériaux nouveaux pour permettre ces systèmes de fonctionner dans de meilleures conditions. Voilà le reportage autour de cette pile à combustible à basse température. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Geoffrey Tourneur ? Geoffrey Tourneur, est-ce que vous êtes encore là ? Oui, je suis, je suis assez en accord avec ce qui a été dit. Non, je n'ai pas... Rien de particulier à signaler, Olivier Joubert ? Oui, quelques précisions par rapport à l'utilisation de ces piles à combustible. Je pense que on met toujours en opposition la pile à combustible avec la batterie. Bon, je suis un peu d'accord sur les poids lourds. L'intérêt en fait de l'hydrogène, c'est que par rapport à la batterie, c'est que en fait on sépare les deux. On sépare la partie qui fabrique l'électricité et puis la partie qui stocke l'énergie. Donc on a un réservoir d'hydrogène avec une pile à combustible. D'ailleurs, il suffit de multiplier le nombre de réservoirs d'hydrogène et puis vous avez une autonomie qui est multipliée, alors que la batterie en fait c'est linéaire. Plus on veut aller loin, plus on multiplie, il faut plusieurs dizaines de tonnes de batterie lithium pour embarquer dans un camion ou voire dans un bateau, alors que l'hydrogène on va avoir cette autonomie. Donc je suis d'accord avec la partie véhicule lourd, mais le véhicule léger, il y a vraiment un gros avantage de l'hydrogène, y compris pour les véhicules de monsieur tout le monde, c'est qu'en 5 minutes on a fait le plein. Enfin, un plein d'énergie qui est équivalent à celui de la batterie. Une Tesla, par exemple, on parle souvent de Tesla. Tesla, c'est 550 kg de batterie et au moins 30 minutes avec une recharge qui est de 120 kW. Donc, c'est énorme. Et l'équivalent de la Tesla, ça va être la Mirai, une Toyota ou bien une Nexo hein, de chez Hyundai. Et là, vous avez la même autonomie, on va dire à peu près 500 km, avec un remplissage de 5 minutes et un poids qui est de 150 kg. Au total, en plus par rapport à la batterie. On va examiner les différentes applications, évidemment dans le domaine des transports, mais vous allez voir que ce dit hydrogène il peut servir à plein d'endroits, il peut vraiment se substituer aux énergies fossiles dans un certain nombre d'emplois et d'applications, on en parle dans un instant. vous n'êtes pas en train d'écouter la bande originale d'un épisode de Magnum, mais bien Trevor Bastow. Le morceau s'appelle Hydrogène. Il est à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons précisément de la filière hydrogène énergétique. Nous en parlons avec Olivier Joubert, qui est professeur à l'Université de Nantes, directeur de la Fédération de Recherche d'Hydrogène du CNRS, et Geoffrey Tourneur, qui est doctorant en thèse Cifrosin du Laboratoire Institut des Sciences Chimiques de Rennes, avec l'entreprise H2X Ecosystems. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Santiago Suarez. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes doctorant en deuxième année de thèse dans le laboratoire FCLA. Vous travaillez sur la gestion d'énergie d'un système entassé alimenté par un réservoir d'hydrogène à hydrure. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Oui, exactement, c'est ça. Mon projet, c'est la gestion énergétique, c'est-à-dire comment gérer les différentes énergies que je peux avoir dans la pile à combustible, comme c'était la partie électrique et aussi la partie thermique de chaleur. Et cette pile à combustible, elle va obtenir ses hydrogène grâce à un tank à hydrure où on fait le stockage de l'hydrogène de façon solide et qui va nous permettre de stocker l'hydrogène dans une grande densité en comparaison à les autres types de stockage. Il va nous permettre aussi d'utiliser ce type de système, ce système continu, le tank et la pile, dans les systèmes embarqués, aussi dans les différents systèmes stationnaires, possiblement dans la maison ou directement dans les voitures ou dans les grandes choses, comme on vient de parler, les camions, les bateaux, etc. Et mon travail de thèse, c'est gestionner et savoir comment gérer les différents types d'énergie que je tiens, parce que, par exemple, mon tank à hydrure, il a besoin de la chaleur pour donner l'hydrogène dans un moment-là, qui s'appelle la désorption. Et c'est la chaleur qu'on va prendre de la pile à combustible, que c'était un processus exothermique. Et on va réinjecter cette chaleur qu'on tient de la pile dans notre système. Et ça va nous permettre de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour que le système de stockage fonctionne bien. Et à l'inverse, quand le système de stockage va absorber de l'hydrogène, il va sortir les chaleurs qu'on peut utiliser pour préchauffer la pile avant qu'il démarre. Plus ou moins, c'est ça le travail de ma thèse. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Santiago Suarez pour cette présentation. Peut-être un mot, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, Geoffrey Tourneur, du stockage via des hydrures. On a parlé d'électrolyse, on a parlé du méthane, du vaporeformage. Qu'est-ce qu'on peut envisager justement comme travail sur le dihydrogène à partir de ces tanks à hydrures? Alors, je vous avoue, moi, par contre, je suis plus spécialiste de tout ce qui est sur l'électrolyse, la production et les usages. Sur le stockage, je suis vraiment beaucoup moins spécialiste. Alors, on va demander à Olivier Joubert, tout simplement, Olivier Joubert. Oui, alors, il y a plusieurs moyens de stockage. On a parlé tout à l'heure de stockage dit hyperbare, sous pression. La pression actuelle dans les réservoirs d'hydrogène de voiture, c'est à peu près 700 bars. En fait, il y a deux normes, il y a 350 et 700 bars. Dans les laboratoires, on a souvent des cylindres d'hydrogène qui font aux alentours de 200 bars. Donc, vous voyez, il y a la partie hyperbare, et puis après, il y a d'autres types de stockage, notamment hydrogène liquide, on a entendu parler tout à l'heure pendant votre reportage. Et puis, il y a le stockage sous forme d'hydrure, donc en fait, par absorption sur du métal ou sur différents composés. Et après, on désorbe, c'est ce que racontait l'étudiant du FCLab tout de suite. Il y a un autre moyen, donc, à mon avis, qui est très intéressant aussi, c'est au lieu d'avoir un transport d'hydrogène ou un stockage, on peut le stocker sur une autre forme chimique, telle que l'ammoniac. Et ça, c'est aussi très intéressant. On parle de transport d'ammoniac ou d'un transport d'hydrogène sous forme d'ammoniac d'un point A à un point B, par exemple d'Australie vers le Japon. L'Australie va être un gros producteur d'hydrogène, le Japon un gros consommateur, et pour le transporter, au lieu de le transporter sous forme d'hydrogène liquide, on va le transporter sous forme d'ammoniac. Ammoniac avec une NH3, juste pour savoir. Tout à fait, voilà. NH3 qui consomme, donc on peut produire aussi de l'ammoniac, et ça c'est aussi très intéressant parce que quand on parle de révolution hydrogène, l'hydrogène, il faut savoir que c'est pas uniquement pour la mobilité, il y a aussi beaucoup d'industries qui consomment et qui produisent de l'hydrogène. La consommation telle que dans les industries d'engrais, on parle beaucoup d'ammoniac, et l'ammoniac est produit à partir de dihydrogène. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'usage principal de la production de dihydrogène au lieu de non pas dans les piles à combustible, mais aujourd'hui pour l'industrie agrochimique et l'industrie chimique. Ah oui, c'est l'industrie qui est un gros consommateur. Pour nous, on voit souvent les fusées, hein, mais en fait, c'est l'industrie qui est un gros consommateur. Donc, il y a un besoin de décarboner l'industrie. Hein, on en parle souvent dans le plan de relance hydrogène. Et cette industrie, donc notamment l'ammoniac, donc pour produire de l'ammoniac et les engrais, l'ammoniac, c'est le système Bohr, disons un système très très consommateur en énergie, qui utilise donc de l'hydrogène qui est produit par vaporeformage. Encore une fois, on revient là-dessus. Et il y a des techniques d'électrolyse qui sont actuellement à l'état de démonstration, qui permettent de produire directement de l'ammoniac à partir d'azote et de la molécule d'eau et d'électricité verte. Mmh. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui serait très intéressant pour limiter la production de CO2, quelque part, au niveau des entreprises. Bien sûr. Alors justement, pour s'intéresser à cette question des applications, Geoffrey Tourneur, j'aimerais revenir vers vous pour parler justement de cette pile à combustible et pour parler un peu des véhicules. On va parler d'autres choses, des réseaux de distribution, de stockage, etc. Mais concrètement, qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un mécanisme à électrolyse à l'intérieur du moteur de notre future voiture à hydrogène ? C'est pas forcément l'intérêt de produire l'hydrogène in situ dans le véhicule, puisque vous rajoutez des appareils qui consomment de l'espace et du poids qu'il faut déplacer. Ce qui est envisagé, c'est de passer par ce qu'on appelle des écosystèmes. Et justement, c'est là qu'a l'intérêt de ces industries est très intéressant, parce que vous n'avez pas que l'ammoniac qui utilise de l'hydrogène. Aujourd'hui, les raffineries, bon, même si un jour elles vont s'arrêter puisqu'il n'y aura plus de pétrole, en utilisent pour se désulfurer. Vous produisez du sulfure d'hydrogène. Sulfure d'hydrogène à partir duquel on peut d'ailleurs encore produire de l'hydrogène via des adaptations de ce qu'on appelle le cycle soufre-iode, mais c'est encore très expérimental. Et voilà, c'est très très expérimental à ce stade, et on ne sait même pas si ce sera forcément très intéressant. Vous avez aussi les aciéries qui en utilisent, et ce qui serait réalisable, ce serait finalement des territoires autonomes en énergie, via lesquels on aurait peut-être des clusters pour commencer avec ces industries, ces usines d'engrais, qui produiraient leur propre hydrogène par électrolyse et qui s'en serviraient pour alimenter déjà leurs camions, leurs poids lourds, pour ensuite se déplacer. Petit à petit, on pourrait créer un réseau national européen qui permettrait d'utiliser cet hydrogène pour ce qui est les mobilités, d'abord des poids lourds, parce que c'est quand même une énorme consommation de carbone aujourd'hui, les poids lourds et le fret, et donc les cargos, les poids lourds, puis pour monsieur tout le monde dans sa voiture, parce que là en effet, je pense que c'est quand même c'est très intéressant d'utiliser ça pour monsieur tout le monde. Et enfin, lorsqu'on réalisera la transition énergétique des sources primaires d'énergie, il faut quand même voir que tout ce qui est éolien et solaire, ce n'est pas pilotable. Aujourd'hui, vous avez une centrale, vous pouvez la piloter et dire qu'il vous faut plus, qu'on augmente la puissance parce que la demande augmente l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Demain, ça ne sera plus possible parce que le solaire, ça fonctionne le jour, ça fonctionne surtout l'été, mais moins l'hiver et surtout pas la nuit. Et l'hydrogène peut là aussi, une fois que ce sera largement développé, permettre ce stockage d'énergie électrique sous forme d'hydrogène, pour ensuite restituer l'énergie électrique quand on en a besoin. C'est-à-dire de servir de batterie de substitution, en fait. Voilà, temporairement, donc justement en le compressant, puisqu'on a ces compressions, justement, comme le rappelait Olivier, à 350 et 700 bars. Alors là, il y a aussi, on n'a pas les mêmes normes selon les pays européens, donc il y a des choses à voir sur la norme de pression de stockage pour pouvoir faire des convergences entre les pays. Mais là aussi, et à la fin, d'ici le plan d'Union européenne prévoit que d'ici 2050, on soit arrivé à pouvoir l'utiliser de manière assez globale. Mais d'ici 2050, donc il y a quand même un certain laps de temps à passer. Mais alors, Olivier Joubert, si on entend bien, aujourd'hui, quels sont les obstacles encore ? Parce que on a l'impression que le tableau, aujourd'hui, on a l'impression que d'une, on maîtrise la technologie, que deux, c'est effectivement relativement à portée de main, alors qu'il y a encore peut-être effectivement un petit problème de rendement, qu'il y a encore peut-être un petit problème de nature de l'électricité pour produire l'électrolyse. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche le passage à l'industrialisation et à la généralisation de ces technologies ? On pense, encore une fois, évidemment, aux véhicules, mais pas uniquement. On pense ce qu'on a entendu, hein, je veux dire, à la substitution aux batteries pour les énergies alternatives, à l'ensemble finalement de, à l'ensemble de la transformation, de la transition de l'énergie carbonée vers une énergie hydrogène. C'est quoi les freins? Je pense qu'en fait, on a entendu pas mal de freins déjà. On a entendu tout à l'heure dans le reportage. Déjà, il faut dire que si on veut produire un système, on a tout sur l'étagère. C'est-à-dire que là, actuellement, les industriels, ils peuvent aller chercher à la fois la pile à combustible, le réservoir ou l'électrolyseur. Il y a déjà des choses qui sont vendues et commercialisées, y compris les véhicules. Donc là, il n'y a pas de frein de ce côté-là. Mais par contre, après, les freins sont le coût. On a entendu parler tout à l'heure sur la partie platine, puisque effectivement dans la pile à combustible, en électrolyseur basse température, il faut du platine. Donc un premier frein, c'est la teneur en platine. Il faut quasiment réduire par de moitié la teneur en platine. On est aux alentours de 40 grammes, pour donner un exemple, dans la voiture à hydrogène actuelle. Avoir 20 grammes, ça permettrait de réduire considérablement le prix du système. Donc ça, c'est une première chose. D'autres freins, il y a beaucoup de freins. Un autre frein qui a été annoncé tout à l'heure, c'est l'infrastructure. Il faut produire des stations hydrogène. Des stations-service. Des stations-service, mais on va commencer dans un premier temps, et notamment en France, installer ces stations-service dans les systèmes où il y a des flottes captives. Donc par exemple, je sais pas, la Poste, c'est un exemple. Et ça permettra de développer et d'avoir des systèmes à hydrogène un peu partout. C'est le cas à Paris, puisque vous avez à côté de vous une flotte de taxis hydrogène, Hype, qui consomme pas mal aussi d'hydrogène. Et il y a une station-service sur le pont de l'Alma. Donc c'est là où ils viennent s'approvisionner. Et ça, c'est intéressant. Donc avoir des systèmes un petit peu comme ça, ça va permettre après d'avoir des embryons un peu partout en France et de connecter. Ça, c'est à mon avis, c'est une façon de débuter l'ère de l'hydrogène. D'autres freins, ça va être sur la durée de vie. Actuellement, on est plutôt sur les 7000 heures pour une pile à combustible à l'intérieur d'un véhicule. 7000 heures. 7000 heures, c'est à peu près 150 000 km. Pour donner à peu près une idée, à 20 km par heure, c'est ce que vous faites. Et donc, il faudrait à peu près un peu augmenter aussi. Cette teneur-là. C'est moitié moins qu'un moteur thermique. En effet. À peu près ça. Après, on peut changer des constituants à l'intérieur de la pile sans changer entièrement le système. Donc, vous voyez, il y a quelques freins qu'il faut lever, notamment le coût, la durée de vie, et même, y compris les performances. Et Geoffrey Tourneur, j'ai lu aussi qu'il y avait tout de même aujourd'hui encore beaucoup de recherches sur la notion et sur la question du stockage, que stocker du hydrogène, c'est pas évident. La molécule est très petite, elle peut traverser de nombreux matériaux, dont les métaux, et malgré tout, bien, le hydrogène, comme tout carburant, est inflammable et peut exploser en termes de danger, de sécurité. Pour le stockage, aujourd'hui, on a réglé ces problèmes-là ou pas encore? Alors là-dessus, Olivier, j'ai envie de vous dire que tout simplement, Air Liquide transporte de l'hydrogène pour le laboratoire depuis des décennies. Donc tous les jours, dans ces camions, il y a des bouteilles d'hydrogène compressées. Donc stocker l'hydrogène, on sait le faire. Maintenant, le déplacer, c'est surtout au niveau des têtes des bouteilles. Il ne faut pas qu'elles puissent s'ouvrir pour avoir un problème, pour que le gaz se libère, s'il y a un accident de voiture, par exemple. Mais ça, la maîtrise du transport des gaz aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assuré. C'est plus le problème de la taille de l'hydrogène, c'est plus au moment, je dirais, de sa production et de sa reconsommation, puisque ça implique d'utiliser l'hydrogène, c'est le gaz le plus petit qu'on puisse imaginer. C'est celui qui a le volume le plus faible. Donc il passe vraiment justement n'importe où comme vous le dites. Et dans les électrolyseurs que dans les piles, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle justement des membranes dont on parlait dans le reportage tout à l'heure. Ces membranes, elles sont là pour éviter d'une part au moment de la production ce qu'on appelle le phénomène de crossover, c'est-à-dire que les gaz se mélangent pour pouvoir les séparer. Et ces membranes, donc c'est ce qui pourrait être un des effets limitants sur la durée de vie de ces systèmes. Il existe aujourd'hui des équipes de recherche, notamment en République tchèque et aux États-Unis, à New York, qui essaient de travailler sur des électrolyseurs sans membrane. C'est vraiment très intéressant. Quelle est la technologie là-derrière ? Là, derrière, ils utilisent la technologie d'impression 3D. Donc, c'est moi ce que je suis sur dans le cadre de ma thèse, l'impression 3D, pour justement optimiser les géométries de manière à favoriser des évacuations des gaz qui, de manière à ce qu'ils ne se mélangent pas et qu'ils aillent bien où on veut et qu'ils ne stagnent pas justement sur les surfaces, en fait. Donc là, on est sur... là, on a justement, là aussi encore, via des nouvelles technologies, des opportunités nouvelles pour améliorer la durée de vie des systèmes à hydrogène. et éviter d'utiliser ces membranes qui sont souvent un facteur limitant dans la durée de vie, sur lesquelles d'ailleurs on a aujourd'hui peu de retours, puisque finalement ce sont des technologies qui sont développées assez récemment, donc on a peu de retours d'expérience, on n'en a pas assez pour tirer des grandes conclusions franches. Olivier Joubert. Oui, pour rebondir un peu là-dessus, un des freins aussi vis-à-vis du réservoir hyperbare, c'est la forme. Actuellement, on essaie d'avoir on a tous des systèmes avec des réservoirs dont la forme est cylindrique, on ne peut pas s'en échapper. Avoir un réservoir dit conformable, c'est aussi un des challenges actuels pour pouvoir l'adapter à n'importe quel type de véhicule. Voilà. Par exemple, on ne pourra plus mettre de d'hydrogène, de carburant dans les ailes des avions. On ne peut plus l'imaginer comme ça. Non. Donc ça veut dire qu'il faut repenser tout de même pour un avion. Pour une voiture, c'est peut-être moins grave parce qu'on peut stocker ça à différents endroits. Pour un avion, ça veut dire qu'il faut quand même repenser complètement le design de l'appareil. Oui, c'est pas l'avantage de l'hydrogène. Par contre, au niveau des batteries, ça c'est intéressant, c'est qu'on peut mettre des batteries un peu partout. On voit bien dans certains véhicules, on ne voit pas trop la batterie, elle est bien répartie. Et que l'hydrogène, c'est un peu plus compliqué. Donc par contre, on peut multiplier les réservoirs. Mais pas trop. On peut en mettre 2, 3, comme dans une Tesla, mais pas 10 ou 15. Ça serait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher et plus lourd et plus volumineux. Un point aussi. On a oublié, je pense que c'est très intéressant d'en parler, sur la production d'hydrogène, il y a une technologie aussi qui est actuellement très, très intéressante en France notamment, c'est la gazéification de la biomasse. C'est-à-dire que l'hydrogène, à partir de la biomasse, on peut obtenir très simplement à partir de ce qu'on appelle des gazogènes. On obtient un mélange de gaz, mais qui contient de l'hydrogène en bonne quantité et l'hydrogène qui peut être aussi utilisé. N'oublions pas qu'il y a une centaine d'années, dans nos villes, il y avait des usines à gaz qui produisaient ce mélange COH2 qui parcourait tous nos systèmes de qui alimentaient les gazinières et autres applications. Bien sûr. Pour conclure, est-ce qu'on peut imaginer ou envisager, alors déjà peut-être cet objectif de 3 aéronefs à l'hydrogène 2035, ça vous paraît réaliste ou est-ce que c'est un peu un coup de com' à votre avis ? Je pense que c'est ambitieux. Mais il faut avoir beaucoup d'ambition et je trouve que c'est très bien. Mais commençons peut-être par des petits aéronefs, ceux qui sont utilisés pour l'examen des pilotes d'avions avec 2 ou 3 places. Là, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis, pourquoi pas plus tard pour les plus gros avions. Geoffrey Tourneur, dernière question pour conclure. Est-ce qu'on pourrait dire ou on pourrait penser aujourd'hui que ces piles à combustible à hydrogène vont suivre un peu la même trajectoire que ce qu'a pu être le moteur thermique à essence, puisque je rappelle que le moteur thermique a été inventé en 1900 et qu'il a commencé à se généraliser beaucoup plus tard, 40, 50 ans après. La pile à combustible aujourd'hui, elle fonctionne. De là à la généraliser, il va falloir attendre combien de temps à votre avis ? Je pense que ça peut être long, puisque comme vous le dites si bien, le moteur captant a été inventé fin du 19e siècle. Il a fallu 40-50 ans, donc chacun a un véhicule à lui. Donc là, pareil, on est sur une transition, c'est quelque chose de très long. Oui, je pense que ça va vraiment se planter petit à petit. Aujourd'hui, on parle de lithium-ion, mais le problème, c'est vraiment son poids. Et je pense que oui, mais il faudra laisser le temps. Il faudra laisser le temps. Et l'adaptation à l'avion va être, je pense, plus longue. Je pense qu'un modèle commercial... d'ici 2030, ça me paraît un prototype, des premiers modèles, oui, vu le travail qui est effectué, le temps que prend la recherche et l'ingénierie, 15 ans pour des flottes commerciales exploitables, ça me paraît assez un peu court. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, on attendra, on surveillera ça avec attention. Merci Olivier Joubert, merci Geoffrey Tourneur d'être venu nous parler de cette filière d'hydrogène. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain, on prend son cahier, on prend son bit de quatre couleurs et on révise, nous ferons une émission d'histoire des sciences consacrée à la découverte, à la nature et à la maîtrise des rayons X. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.